Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau ou ailleurs. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, le vrai spécialiste dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et aussi conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, composez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec en vélo de montagne ce week-end à Saint-Félicien. Le restaurant Midas vous invite à venir profiter de l'été et vous offre pour tout le mois de juillet sa nouveauté, le Bubble Tea, à 4$ plus taxes seulement. Le restaurant Midas de Saint-Félicien, c'est une des meilleures poutines au Québec. C'est le poulet barbecue, le poulet frit, la pizza, le bar laitier et les déjeuners. Que ce soit en salle à manger ou pour emporter, c'est le restaurant Midas. Route 169 Saint-Félicien, 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas souhaite un franc succès aux organisateurs du championnat québécois de vélo de montagne qui aura lieu ce week-end à Saint-Félicien. On va parler avec notre collaborateur des Alouettes, Pascal Masson. Salut Pascal! Salut Dan! Pascal, hier, victoire des Alouettes 36-29 pour la sortie d'un gars que j'ai aimé beaucoup, quand j'ai eu en entrevue deux fois plutôt qu'une au cours des dernières semaines, Luc Brodeur-Jourdain. Écoute, quand on parle d'un gentleman, d'un gentil monsieur, c'est vraiment un gars intéressant. Là, tu veux dire, c'est un bel ambassadeur pour les Alouettes de Montréal. Mais c'est un vrai professionnel, une bonne personne. Un bon joueur de foot, certes, mais c'est surtout la personne en plus derrière Luc Brodeur-Jourdain. Toujours été disponible pour les médias. Un bel ambassadeur pour notre football québécois. Puis, dans le fond, il a bien porté le flambeau à travers d'autres grands noms. Donc, bien fier de lui et de la belle carrière qu'il a accomplie. OK. Est-ce qu'un match comme hier aurait pu, avec de l'émotion comme ça, aurait pu motiver les troupes, sûrement? Hein? Ben, tu sais, bon, sans enlever rien à la retraite de Luc, je pense pas que un joueur professionnel doit avoir de quoi de spécial pour être motivé pour gagner un match. Surtout dans le cas des Alouettes. Il y avait de l'émotion, oui, il y avait... Et on a senti une fébrilité, puis on a senti une émotion. Mais ce que j'ai trouvé qui a été un peu la bougie d'allumage, c'est qu'à l'honneur de Luc, on l'a fait partir. On l'a fait partir le match, on l'a mis comme partant. Et on a marqué dès la première série. Donc ça, j'ai trouvé que ça c'est ça qui a donné un peu le ton de l'émotion du match en lien avec Luc. Parce que si on n'avait pas fait ce geste-là, c'est pas lui le partant, je suis pas certain qu'on aurait senti cette espèce de sentiment-là. C'est sûr. Ouais, écoute, il y a un joueur qui, André Bolduc disait au camp d'entraînement que William Stenback pouvait être un joueur qui pourrait être le meilleur joueur de la ligne Bayer avec plus de 200 verges, 3 touchés. À quelque part, il a vraiment livré la marchandise. Là. Ah, mais Stenback, on le sait. On l'a vu l'an passé, puis c'est la raison pourquoi on s'est libéré également de notre porteur numéro 1 en début de saison de l'an passé pour donner la place à Stenback. Et hier, ben, on lui a donné le ballon 22 fois. Puis ça, on n'a jamais donné cette identité-là aux Alouettes depuis plusieurs années. Même dans le temps de Mark Chrisman, hein? Non, dans le temps de Mark Chrisman, on était une attaque aérienne. Ouais. Notre jeu au sol était déguisé par des petites passes. On avait un système offensif beaucoup plus du style West Coast, où on donnait le ballon à plusieurs joueurs. On déguisait nos jeux au sol avec des petites passes. Mais depuis le départ de Mark Chrisman au niveau offensif, on n'a jamais été en mesure de s'identifier au sol de façon constante. Mais ça se fait avec un intérêt. Tu sais, je veux dire, tu démontres en donnant le ballon régulièrement à ton porteur que même s'il gagne deux verges, une verge, trois verges, il va le ravoir le ballon, puis à un moment donné, on va épuiser la défense adverse. Et hier, ben, ça a fonctionné. Mais c'est sûr que quand tu perds en début de match par 21 points, ben ouais, c'est difficile de donner cette, euh, cette vision-là à l'attaque. Là. OK. Dis-moi, on va parler maintenant de Vernon Adams, 14 en 25, 202. As-tu fait assez... est-il assez bon pour vraiment lui donner le ballon jusqu'au temps qu'il perd? Ben, en fait, il a bien... Moi, je trouve qu'il a bien géré l'attaque. Okay. Il n'a pas créé de revirement. Ouais. Une moyenne de 14, environ 14 verges par passe tentée, c'est pas nécessairement énorme. T'sais, 14 en 25, 200 verges, comparativement, je sais pas moi si on regarde Massoli hier qui est 400 verges, c'est pas nécessairement ce genre de performance-là. Sauf que quand tu es en mesure de courir pour 200 verges, mais ça te prend encore arrière que lorsque tu vas lancer le ballon, il ne faut pas qu'il fasse de revirement. Parce que tu veux garder ton momentum. Donc hier, il a fait assez dans la stratégie où le jeu au sol était numéro un. Ouais. Pascal, donc il me reste une question à te poser. Je veux te poser. Les Argonauts de Toronto, ça va vraiment pas bien. Ça semble aller tout croche l'organisation. Tu sais, on a tapé ses alouettes et avec raison. Là. Mais les Argonauts de Toronto, là. Ça sent aussi pire que les Alouettes, sinon pire. Est-ce que je me trompe? Les Argonauts de Toronto. C'est incroyable, là. C'est, Jim Popp est en train de refaire ce qui est comment il a quitté de Montréal, là, j'ai l'impression. Puis là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que je suis pas à Toronto dans l'entourage de l'équipe. Mais tu sais, j'ai vu par contre ce que Jim Popp a laissé comme. Comme l'aigle là, à Montréal avant de partir. Et on dirait qu'en ce moment, c'est la même chose qui est en train d'arriver. C'est que ils ont gagné la Coupe Grey je dirais pas chanceuse, mais tu sais, disons que les As étaient bien alignés là, si on gagnait la Coupe Grey. Ouais. Et puis là, ben, je sais pas si on s'assoit là-dessus, mais en ce moment, l'équipe, là, je veux dire, autant les Alouettes. Avant le match d'hier, on pouvait être très, très critique à leur égard. Le Toronto, c'est atroce. C'est atroce, ça semble vraiment, là, ouf, ça semble pas facile là-bas aussi. Pascal, gros merci. Oui? Puis juste pour terminer avec ça, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que ses commentateurs, c'est Jacques Chapdelaine aussi à Toronto en ce moment. Ouais, ouais. Là, ben, il aura fait le tour de la Ligue pas mal, là. Et puis là, ça fonctionne pas non plus. Est-ce que finalement, la conclusion finale à tout ça, c'est que le système de Jacques est vraiment trop compliqué pour un corps avec peu d'expérience dans la Ligue? Bon, ben, tu sais, ça peut être une conclusion, là. Oui, effectivement. C'est sûr que quand tu perds Ricky Ray, c'est pas facile non plus. C'est comme l'équivalent d'Anthony Calvio, mais c'est aux équipes à bien le préparer, hein? À se préparer. Il y en avait deux, trois des agents libres. Tu avais Bo Levi Mitchell, tu avais Mike Riley. C'est sûr, c'est des gars qui aiment mieux jouer dans l'Ouest. River Harris également. Mais tu sais, c'était eux autres à le trouver. Là. Moi, je pense que Jim Popp, à quelque part, il a fait son temps dans les Canadiens aussi. Je sais pas, c'est mon feeling un peu. Là. Ouais. Il a fait des belles affaires, mais là. Puis tu sais, c'était comme si en allant à Toronto puis en gagnant la Coupe Grey avec Mark Tyson. Il s'est gagné du temps. Il s'est gagné beaucoup de temps. Là, puis. Tant mieux pour Toronto, mais on n'a pas bâti sur cette victoire-là puis cette saison-là. Puis on a même, tu sais, on s'est même débarrassé de Tressman, puis finalement, ben, on a l'équipe qu'on a là. Tu sais, je veux dire, regarde, on s'est débarrassé de Wenzel. Wenzel, qui était notre meilleur joueur de ligne à l'attaque. Hamilton l'ont ramassé. C'est leur bloqueur numéro un. Tu sais, Hamilton ont sauté sur quelques joueurs de Toronto qui ont laissé aller, qui performent bien à Hamilton. Bon, hier, n'empêche que c'était peut-être leur moins bon match de la saison, ça c'est sûr. Mais tu sais, Hamilton, ça reste que c'est l'équipe de l'Est, là, selon moi. Oui, effectivement. On s'en reparle la semaine prochaine, Pascal. Absolument, Dan. Collaborateur Pascal Masson.